demain dans la forêt on peut cueillir des fous des bois. Et tout près de cet endroit se trouve un petit ruisseau où la fête continue de se dérouler. Découverte des baignades feront tout entre joie. Et si parmi vous il y en a qui me croit, qui sera, qui sera, c'est pas celui-là.